je suis là, jamais elle ne me voit, ses yeux braqués sur toi. Tu es de nouveau sa proie. Pas un jour ne passe sans qu'elle t'appelle. Pour elle, tu prends ta douce voix de miel. Chez moi quand je ne suis pas là. Tu crois vraiment que je ne vois pas les SMS que tu reçois? Elle m'agace. Elle m'agace. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Mais qu'est-ce que t'as mon gars? T'es nostalgique ou quoi? Chez moi quand je ne suis pas là. Tu crois vraiment que je ne vois pas les SMS que tu reçois? Tu crois vraiment que je ne sais pas qu'elle vient chez moi quand je ne suis pas là? Tu crois vraiment que je ne vois pas? Attention à toi.